enculé. Le bâtiment c'est à la Castellane. Semble à ce qu'on va répondre à l'appel avec du pilon. Tu peux avoir la bœuf. Boum boum boum boum. Je suis m'enfoncé dans la 45. Le monde est entier pris vitesse. Comme j'ai des ailerons, ils vont quand même prendre en chasse. Et pour pas changer, je suis sous Jack Connais. Comme j'ai baisé, elle dit que je la connais. T'as vu comme ça bouge, c'est que tu la reconnais. À mon poignet, une royale en chrono. Tu donnes le futur, tu peux plus me voir. À la concouche, dans la ce que des topés. Que des topés, tu as des kilomètres. Je suis tellement là, je suis dans une autre planète. Qui c'est qui l'ouvre quand t'es monté? Qui c'est qui teste qu'on lui montre? J'suis toujours dans le bâtiment. Depuis d'un an que je leur démontre. Aujourd'hui, j'ai un compte en banque. Carrément chef d'entreprise. Mais toujours la boule au ventre. Quand y'a les keufs à la tessie. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Il y a 100 mètres à combattre. Y'a le bâtiment c'est déjà toute la claque. Si tu veux qu'il ne faut pas nous rater. Si on revient on rappelle ta malgré. Et si dans le mec ça va pas changer. J'suis dans le mec ça va pas changer. Et si dans le mec ça va pas changer. J'allais en cours, j'avais que de ça. Maintenant que je suis là, je compte bien demander mes mappes et ça. Je suis pas né pour filmer, mais la démarche est classe. Non, t'as pas idée, vaut mieux pas que tu saches. Calé comme Trunks, j'allume un bunt. Il me faut du beat, après je dors, sinon c'est mort. Quand les poches se remplissent, les rapaces viennent. La voiture fonce, c'est le film qui est temps. S'il y a business, t'as mon adresse. 13 Marseille, bâtiment 7. On va la featuring sans blast. Leonidas featuring Shifty. Yo, here is where no beef. Je les ken, donc elle croit que je la kiffe. J'suis dans le Benz, garé dans le parking. Il faut que rien, donc tu come around snitch. À skip, t'as les couilles de le faire. Frôle avec les mêmes frères, dans les mêmes fers. Les conditions que pistées, j'dois péter le score. Le million suffira pas, faudra creuser encore. Nous n'avons rien à voir avec ces bitches. La rue nous a éduqué, fait comment j'kick. Donc appelle si on prend du beef. Bitch. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Il y a 100 mètres à combattre. Y'a le bâtiment, c'est à toute la canne. Si tu te dis, ne faut pas nous rater. Si on revient, on rappelle ta malgré. Et si dans le mec, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. Et si dans le mec, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. Là, j'suis dans le mec, ça bouge pas. J'suis dans le mec, ça bouge pas. Pas mal la faute à la cité. Ciao, ciao, ciao.